La cérémonie d'ouverture des compétitions sportives pour le prix Mangyongdae consacrée à la journée du soleil a eu lieu au gymnase de basketball de la cité Chongchun à Pyongyang le 3 avril. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les officiels intéressés, les joueurs, entraîneurs et travailleurs de la ville. Après la cérémonie d'inauguration, il y a eu le match de basketball féminin entre les clubs sportifs Locomotive et de Pyongyang. Aux compétitions, des dizaines de disciplines comme football, basketball, volleyball, ping-pong, boxe et lutte se tiendront dans les villes de Pyongyang, de Nampo, de Pyongsong, de Sariwon, etc.